Et même boulanger. Je fais mon pain moi-même. Mais vous savez, quand on veut faire tout soi-même, on n'a pas le temps de tout faire. Naturellement. Allons, servez-vous. Mangez des bons fruits de mon verger, cueillis par moi ce matin même. Ça doit être merveilleux de cueillir ses fruits soi-même. Ah, comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont frais. Quelquefois, je vais manger mon dessert sous l'arbre. Je cueille ma poire, je m'assois, je la mange et je m'endors. J'aimerais passer mes congés dans une ferme comme ça. Vous finiriez peut-être par vous ennuyer. Qu'est-ce que je vois là dehors? Où ça? Regardez là, par la fenêtre. Ah, c'est un vieux vélo. Il a au moins 50 ans. Il a l'air formidable. Il est à vous? Oui, mais je ne m'en suis jamais servi. Je faisais du vélo quand j'étais jeune. J'étais sportif. Mais ce vieux vélo appartenait sans doute aux anciens propriétaires. Ils ont laissé toutes sortes de vieilles choses quand ils ont déménagé. Ils ont même laissé des quantités de meubles anciens dont certains ont, sans aucun doute, beaucoup de valeur.